Dialogue en bateau mouche. Écoutez. Si tu veux, je t'offre une balade en bateau mouche. Dis donc, c'est ton jour de bonté. Tu n'as jamais été si aimable avec ta cousine. Tu crois? Pourtant, elle ne le mérite guère. Voyez-vous ça? C'était trop beau pour que ça dure. Tu vois là-bas? C'est la Sainte-Chapelle. Oui, oui, je reconnais, figure-toi. Je suis peut-être provinciale, mais je ne suis pas complètement ignare. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Ah, parce que maintenant, tu as besoin de moi. Allez, ne fais pas ta mauvaise tête. C'est la conciergerie. Dans le fond, tu en as peut-être assez d'accompagner les gens de passage sur les bateaux-mouches. Pas du tout. J'ai beau voir les quais souvent, je ne me lasse pas de les regarder. Je crois que c'est le coin de Paris que je préfère. Ah, parce que monsieur est poète à 16 heures? Ne te fiche pas de moi. Sinon, gare à toi. Répétez. Si tu veux, je t'offre une balade en bateau-mouche. Dis donc, c'est ton jour de bonté? Tu n'as jamais été si aimable avec ta cousine? Tu crois? Pourtant, elle ne le mérite guère. Voyez-vous ça? C'était trop beau pour que ça dure. Tu vois là-bas? C'est la Sainte-Chapelle. Oui, oui, je reconnais, figure-toi. Je suis peut-être provinciale, mais je ne suis pas complètement ignare. Veuillez m'excuser, mademoiselle. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? Ah, parce que maintenant, tu as besoin de moi. Allez, ne fais pas ta mauvaise tête. C'est la conciergerie. Dans le fond, tu en as peut-être assez d'accompagner les gens de passage sur les bateaux-mouches. Pas du tout. J'ai beau voir les quais souvent, je ne me lasse pas de les regarder. Je crois que c'est le coin de Paris que je préfère. Ah, parce que monsieur est poète à 16 heures? Ne te fiche pas de moi, sinon gare à toi.